Donc, je me présente également brièvement. Donc, je suis Hélène Fleckinger et dans le cadre de la thèse que j'ai soutenue en décembre dernier sur les relations entre cinéma, vidéo et féminisme en France dans les années 70, j'ai eu la chance d'être chercheuse associée puis invitée à la Bibliothèque nationale de France au sein du département de l'audiovisuel. J'ai travaillé donc sur un corpus en particulier de vidéos féministes dans ce cadre. Et mon intention d'élargir mes travaux au début de la vidéo légère en France est ancienne et ça a pu se concrétiser grâce à un contrat postdoctoral que j'ai eu au sein du LabEx CAP et qui m'a permis donc de mener déjà des recherches sur ce sujet entre mars et août dernier. Et ces travaux amorcés aujourd'hui se poursuivent à Paris 8. Et mon autre casquette, par ailleurs, est celle de l'association Carole Roussopoulos, qui est une plateforme de recherche sur les cinémas militants, le cinéma des femmes et la vidéo légère, qui sont trois domaines dans lesquels Carole Roussopoulos a été une figure majeure, voire pionnière. C'est une association qui date de l'automne 2009, moment de la disparition de la vidéaste.